Parlons Santé est une émission d'information et de sensibilisation de la population en matière de santé. Elle est réalisée par Egide Ndairagije et passe à la radio Ndiragakura tous les samedis à partir de 17h30. Fidèles auditeurs auditrices de la radio scolaire Ndiragakura et spécialement vous les fidèles auditeurs auditrices de l'émission Parlons Santé, bonsoir et bienvenue dans notre émission Parlons Santé. Parlons Santé est une émission qui donne la parole à nos partenaires en matière de santé. Aujourd'hui, chers auditeurs, nous vous proposons un entretien que nous avons eu avec des médecins spécialistes, à savoir Dr. Gabriel Nahayo. Il est vice-président de l'Alliance burundaise contre le cancer et Dr. Innocent Nkurunziza, directeur du programme national intégré de lutte contre les maladies chroniques non transmissibles au sein du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. C'est dans la première partie. Dans la deuxième partie, nous sommes avec Dr. Louis Ngendahayo. Il est spécialiste en anatomie pathologie et travaille à l'hôpital Wahaled de Kamenge. Et enseignant à l'Université du Burundi dans la faculté de médecine. Nous sommes aussi avec Dr. Irénée Ndabagiye. Il travaille pour l'ONG internationale Pathfinder comme responsable de santé de la reproduction et responsable du projet de lutte contre le cancer du col de l'utérus dans cette organisation. À la présentation de cette émission, vous êtes avec Gide Ndaïlagije qui vous souhaite la bienvenue et bonne écoute. Sans trop tarder, entrons dans le vif du sujet avec Dr. Nahayo Gabriel, gynécologue et vice-président de l'Alliance burundaise, qui commence par sa brève présentation et nous donne plus d'informations sur l'épidémiologie et le dépistage précoce du cancer du col de l'utérus. Bon, l'épidémiologie, c'est la représentation de la maladie dans une population, c'est-à-dire les chiffres, l'importance de cette maladie, la façon dont elle apparaît, qu'on appelle l'incidence. C'est globalement un aspect de nombre qui intéresse la présentation de la maladie dans une population. Ce qui est important, ce qui concerne le cancer du col, c'est de dire que c'est justement, comme vous le disiez, une maladie de la femme relativement jeune. Dans les autres pays, on dit totalement que c'est une femme jeune, parce que les femmes de 45 ans sont des femmes jeunes dans les pays développés. Mais chez nous, je voudrais dire que c'est la femme d'âge mûr. Elle n'est pas très âgée, mais c'est une femme d'âge mûr. Et c'est indicativement une maladie de la femme pauvre. Parce que les femmes qui sont riches, elles peuvent être atteintes, mais la maladie est découverte assez tôt, elle est traitée assez tôt et en général n'arrive pas au stade de maladie. Tandis que dans les pays pauvres, on n'a pas de programme de dépistage, de découverte précoce de la maladie. On n'a pas assez de prévention. Cette maladie va apparaître et va être retrouvée à des stades très avancés. Oui, avant de parler de l'évolution de cette maladie, pour les profanes, lorsqu'on parle du cancer du col, est-ce que vous pouvez donner un peu de lumière ou de définition? C'est une transformation des cellules qui composent le col, qui vont agresser le col, détruire le col, atteindre les organes de voisinage, la vessie, le rectum, les détruire et même se propager à des organes à distance, les ganglions au niveau de la cavité pelvienne, mais aussi des ganglions très loin placés. Cette maladie peut même atteindre les poumons et les os de la colonne vertébrale. Donc c'est une maladie qui est caractérisée par le fait que les cellules ne sont plus normales et attaquent le corps, tandis que les cellules normales vivent en bonne intelligence avec les autres cellules du corps. Quels sont les facteurs de risque du cancer du col de l'utérus, Dr. Nahayo Gabriel? Globalement, lorsqu'on parlait des facteurs de risque, on citait, il y a un certain nombre d'années, plusieurs facteurs de risque. Les rapports sexuels précoces, la grossesse précoce, les grossesses rapprochées et nombreuses, avoir plusieurs partenaires sexuels, avoir un partenaire sexuel qui a plusieurs partenaires sexuels, la consommation alcoolique chronique, le tabagisme chronique, l'infection par le virus HIV, l'infection par d'autres virus génitales comme l'herpès simplex virus et la malnutrition. Mais si on rapporte tout, on les ramasse en deux facteurs principaux. Le premier facteur, c'est une infection en virus que l'on appelle le virus HPV, le virus papillomavirus humain. Et tous les facteurs en rapport avec les rapports sexuels se rapportent en fait à des facteurs d'infection à ce virus. L'autre deuxième groupe de facteurs sont les facteurs qui induisent une baisse de l'immunité. C'est l'infection par le virus HIV, c'est l'alcoolisme chronique, c'est la malnutrition, c'est le tabagisme chronique. chronique et ce sont les mauvaises conditions de vie. Tout ça fait baisser l'immunité et donc favorise l'infection par le virus HPV. Docteur, comment évolue donc le cancer du col de l'utérus, son évolution pour les gens qui ne le savent? C'est une maladie qui évolue sur un temps très long, 10-15 ans. C'est un temps qui nous donne le temps d'agir. C'est le temps de la vie où il faut découvrir la maladie pour empêcher l'évolution vers le cancer. Mais c'est également le temps de la mort lorsque on ne se met pas en position de découvrir la maladie assez tôt et l'interrompre. Je disais que ça évolue sur 10-15 ans. Ça veut dire que entre l'infection par le virus HPV, le développement des premières lésions, que l'on appelle les lésions précancéreuses, on n'est pas encore au stade de cancer, et finalement le développement du cancer, et à la fin, ce qu'on appelle le cancer invasif, qui est la maladie grave qui tue, il se passe 15-20 ans, quelquefois. Donc on a le temps de découvrir la maladie, d'éviter l'évolution vers le cancer. On a le temps de découvrir la maladie tôt et de pouvoir traiter les malades, mais ce temps-là, il faut l'utiliser. Docteur, est-ce qu'au Burundi, on a des chiffres des gens qui souffrent du cancer du col de l'utérus? Non, on n'a pas de chiffres précis parce qu'il n'y a pas de travail épidémiologique qui a déjà été fait. On ne fait pas de dépistage, on ne fait pas de campagne de diagnostic précoce du cancer. Donc, on n'a pas de chiffres globaux pour le pays. Les chiffres que l'on utilise sont des chiffres approximatifs pour des pays comparables, que ce soit ici en Afrique ou dans les autres pays pauvres du monde. Alors, on dit qu'on a globalement 34 cas de cancer pour 100 000 femmes et 23 décès pour 100 000 femmes par an. Non, dans les pays pauvres du monde. Et ça, ce sont des chiffres de l'Afrique noire. Comme le médecin responsable du Pathfinder partage des chiffres qu'ils ont trouvés à l'hôpital de Kayanza et à l'hôpital de Muyinga, on pense que cette situation doit être encore plus grave parce qu'il dit qu'ils ont découvert 5 cas de cancer en examinant seulement 1 000 femmes. Donc au lieu d'avoir 34 cas de cancer pour 100 000 femmes, nous on doit être aux environs de 500, ce qui est plus de 10 fois plus que les chiffres qui sont avancés dans les études statistiques que j'ai évoquées. Et ça recoupe la présence des facteurs de risque que nous observons ici. On pense réellement que les chiffres de cancer doivent être beaucoup, beaucoup plus élevés que ce que donnent les statistiques habituelles. Et qu'est-ce que vous recommandez au gouvernement, ou plutôt même aux gens du secteur privé, ou pourquoi pas au secteur non gouvernemental, pour éviter la transmission du cancer du col de l'utérus? C'est une recommandation qui est globale, c'est tout faire pour qu'on puisse faire le dépistage de ce cancer, pouvoir découvrir cette maladie avant qu'il ne soit trop tard. Ce dépistage, il s'adresse aux femmes qui n'ont pas de symptômes, qui n'ont pas les troubles du cancer, qui est l'hémorragie, et surtout l'hémorragie après les rapports sexuels, les pertes, beaucoup de pertes malodorantes, et quelques douleurs sont les premiers signes. Alors, lorsqu'on a déjà des signes, ce n'est plus le dépistage, c'est le diagnostic précoce. Alors, on doit s'organiser pour mettre en route des campagnes de dépistage, ça veut dire de découverte de la maladie avant les symptômes, et c'est ça qui nous sauvera, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens de traiter les cancers au stade avancé, et s'organiser aussi pour faire le dépistage aussitôt que la maladie apparaît, ça veut dire dès les premiers signes. C'est ce qu'on appelle le diagnostic précoce. Si on parvient à faire les dépistages, diagnostic précoce, on trouvera une maladie qui se trouve encore dans les limites de nos possibilités thérapeutiques, et donc cette maladie pourra être contrôlée. Qu'est-ce qui vaut plus que de l'argent et qu'on ne peut acheter? C'est la santé. Afin de vivre longtemps, qu'est-ce qu'on veut tous posséder? C'est la santé. Afin de bien s'amuser, étudier ou travailler, faut de la santé. Et pour nous tous les enfants, que faut-il pour devenir grand? De la santé. Fidèles auditeurs auditrices de notre station radiophonique, l'émission c'est toujours Parlons Santé. Nous sommes avec le deuxième intervenant, c'est Dr Innocent Nkurunziza, directeur du programme national intégré de lutte contre les maladies chroniques non transmissibles, qui nous informe sur la politique nationale de lutte contre le cancer et un plan stratégique de lutte contre le cancer. Nous avons une politique, d'abord une politique nationale de lutte contre le cancer et un plan stratégique de lutte contre le cancer. Évidemment, nous allons dans le contenu du plan qui a été élaboré avec le concours de tous les partenaires étatiques non gouvernementaux et de la société civile, fait un plan stratégique 2016-2020 qui, dans le contenu, contient plusieurs chapitres avec des domaines clés, que ce soit dans la détection précoce, diagnostic précoce, prévention, diagnostic et traitement et soins palliatifs. Docteur, dans les activités prioritaires immédiates, vous avez parlé d'un registre du cancer. Qu'est-ce que vous voulez dire par ce registre du cancer? un registre du cancer, c'est un réseau des formations sanitaires avec un laboratoire central. Et ce réseau des sites de surveillance qu'on appelle des sites sentinelles, qui sont composés par les différents hôpitaux des différentes régions et provinces, en personnel qualifié, que ce soit les médecins, les infirmiers et les laborantins qui sont formés pour le diagnostic clinique et le prélèvement de plusieurs lésions, différentes lésions qui sont suspectées de lésions cancéreuses ou précancéreuses, et qui est formé dans l'acheminement de ces lésions au niveau d'un laboratoire central de formation qui examine ces types de prélèvements et classifie les lésions des différents échantillons ou des biopsies qui ont été acheminées en type de cancer, que ce soit le cancer du sein, du col, colorectal, buccal, hépatique ou des différents organes. Et ce registre du cancer nous aide à différencier le nombre de cancers et quel type de cancer on observe au Burundi chez les enfants, les adultes, les hommes et les femmes. Docteur Innocent, vous parlez aussi d'un centre national de cancérologie. Est-ce un rêve ou une réalité au Burundi? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question. En 2014, le ministère de la Santé publique a sollicité une mission appelée Mission Examen Impact, qui, au niveau de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui travaille en étroite collaboration avec l'OMS. Et cette mission est une mission d'évaluation du niveau ou des potentialités du Burundi dans la prise en charge du cancer en général. Cette mission a répondu en novembre 2016, qui viendra ce mois de mars, mais il y a un expert en diagnostic et traitement qui a déjà fait une mission préliminaire. Nous attendons que cette mission complète se termine du 20 au 24 mars pour nous dire des propositions utiles, nécessaires et efficaces pour le Burundi en vue d'aller dans le sens de mettre en place à court ou à moyen terme d'un centre de cancérologie au Burundi. Après avoir sensibilisé le public sur les différents types de cancers et les détections précoces, nous allons entamer aussi la formation des relais communautaires comme les agents de santé communautaire dans la prévention et la détection précoce, c'est-à-dire en leur apprenant les différents facteurs de risque qui peuvent entraîner le cancer, les différents types de cancers, en leur sensibilisant de mobiliser le public pour une consultation avant même que les signes soient présents, parce que la meilleure façon de lutter contre les cancers en général, le cancer du col en particulier, et de faire une détection précoce et de traiter les lésions ou donner des mesures hygiéno-diététiques pour se prévenir contre les différents types de cancers et notamment le cancer du col en particulier. Les facteurs principaux qui font qu'une personne souffre du cancer du col de l'utérus. Les facteurs de risque sont multiples. Nous allons citer les rapports sexuels précoces, que ce soit pour les jeunes femmes, les partenaires multiples pour les femmes, aussi les hommes, l'alcoolisme, le tabagisme, les infections sexuellement transmissibles, notamment le VIH-SIDA, le tabagisme, j'ai déjà cité, chronique, et l'alcoolisme chronique, et la malnutrition. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, qu'est-ce qui vaut plus que de l'argent et qu'on ne peut acheter? C'est la santé. Posséder, c'est la santé. Docteur Innocent, qu'est-ce que vous avez prévu dans le cadre de la sensibilisation de la population? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire concrètement d'une façon synthétique? Avez-vous des dépliants, des affiches? Organisez-vous des spots, des émissions comme vous êtes en train de le faire pour le moment, en quelques mots? Oui, on organise les ateliers médias, on a aussi des spots publicitaires, mais pour le moment, on veut que la population soit sensibilisée à grande échelle parce que on va entamer les formations dans toutes les formations sanitaires, c'est-à-dire hôpitaux de district et centres de santé, pour la détection des lésions du cancer du col pour les femmes de 35 ans et plus, et pour les autres femmes qui ont des facteurs de risque aigus Docteur Innocent, comment comptez-vous collaborer avec les médias et spécialement les professionnels des médias qui se spécialisent en santé pour le moment? Merci beaucoup pour la question. Nous envisageons dans le plan stratégique, surtout pour les journalistes qui sont affectés dans les émissions santé, de faire une formation de une ou deux semaines pour que toute l'information nécessaire en matière de cancérologie, des mesures de prévention, de détection précoce, des facteurs de risque, que ce soit environnementaux, professionnels ou alimentaires, soient connus par ces journalistes et qu'ils soient portés à leur connaissance et à la connaissance du public ensuite. Parce que les journalistes sont d'une importance capitale pour la sensibilisation, la prévention et la détection précoce. Docteur Innocent, il semblerait que vous êtes déjà avancé dans les provinces de Kayanza et de Muyinga. Votre complément d'information. Merci beaucoup. On a déjà entamé un système de détection précoce des lésions précancéreuses du col dans la province de Kayanza et de Muyinga avec l'appui d'une organisation internationale ONG étrangère Pathfinder. Nous constatons que après 3 mois, nous avons effectivement quelques lésions précancéreuses. À titre d'exemple, nous avons 32 lésions après 3 mois précancéreuses traitées à Kayanza sur 1000 patients, 1210 patients, ce qui représente une part très importante de ces pathologies précancéreuses par rapport aux chiffres d'Afrique qui oscillent autour de 40 femmes pour 1000. Mais nous, c'est plus de 200, de 300 pour 1000, surtout dans la seule province. D'où les programmes pareils sont d'une importance capitale pour protéger et garder la bonne santé de la population. Avec deux pieds, s'amuser, étudier ou travailler, pour la santé et pour nous tous les enfants, que faut-il pour devenir grand? De la santé. Dans la deuxième partie, nous sommes avec Dr. Louis Ngendahayo. Il est spécialiste en anatomie pathologie et travaille à l'hôpital Wahaled de Kamenge et enseignant à l'université du Burundi dans la faculté de médecine. Dr. Louis Ngendahayo, plus d'informations pour nos auditeurs. En effet, la détection précoce qui est recommandée par l'Organisation mondiale de la santé pour les pays aux faibles revenus. D'abord, nous commençons par l'éducation de la population pour qu'elle sache en quoi consiste la maladie. Et ensuite, pouvoir aller se faire dépister à temps. En accédant aux professionnels de santé, il y a une méthode qui est peu onéreuse, qui utilise l'application à l'acide acétique, qui est l'équivalent du vinaigre du commerce. Et cette méthode permet de voir les modifications qui surviennent au niveau de l'orifice du col de l'utérus par le changement de la morphologie de ces cellules. Et ces cellules qui sont infectées par un virus qu'on appelle le virus Human Papillomavirus, qui constitue un des grands facteurs de risque pour le développement du cancer du col de l'utérus. À quoi est dit ce virus? Je sais que c'est qu'il est, mais quels sont les facteurs favorisants pour que ce virus attaque un corps humain? Le virus se contamine par les rapports par voie sexuelle. C'est un virus qui est très résistant. C'est un virus à ADN, mais l'organisme humain parvient des fois à l'éliminer. Alors, chez des personnes où ce virus persiste, la femme va développer une lésion qu'on appelle précancéreuse, qui est aussi caractérisée sous forme de cancer intraépithélial de bas grade. À ce stade, si on prend les lésions, il y en a des lésions qui sont dites réversibles et celles qui sont irréversibles vont évoluer vers le cancer intraépithélial. C'est-à-dire que le col sera détruit par ce cancer, en rappelant que le cancer est une maladie qui échappe au contrôle du cycle cellulaire et donc évolue de manière désordonnée. Docteur, vous touchez déjà la question que j'allais vous poser. Comment évolue effectivement le cancer du col de l'utérus en parlant des différents stades? Il peut être encore limité au niveau du revêtement épithélial de l'orifice du col et surtout ces lésions précancéreuses se développent au niveau de ce que nous appelons la jonction entre l'exocol et l'endocol. C'est une zone qui est très sensible, qui subit ce que nous appelons des métaplasies, c'est-à-dire un changement de structure qui est lié à l'adaptation. Et ce virus colonise cette zone et crée donc les premières lésions limitées au niveau de l'orifice où il y a moyen donc de faire le traitement de ces lésions précoces. Mais sinon, les autres stades, quand ça va progresser en remontant dans l'orifice du col, mais même peut aller plus loin en attaquant les organes de voisinage, notamment la vessie et même le rectum, et constituant des complications qui peuvent entraîner parfois au niveau de la voie urinaire qu'on appelle l'urétère. Et en plus, il peut donner ce qu'on appelle des métastases. Ce sont des cellules qui quittent le foyer initial pour aller dans le sang ou dans les ganglions, et ainsi va coloniser soit les os du bassin ou aller dans, en passant par le sang, atteindre les autres organes, notamment le poumon. Quel est le stade avancé? Il se caractérise par quoi? Le stade avancé va se caractériser d'abord par la destruction de l'orifice du col, avec un caractère bourgeonnant, avec ulcération donnant des saignements, et également l'envahissement de la vessie. Et généralement, dans nos contextes, les femmes viennent se faire soigner à un stade très avancé où la chirurgie, des fois, n'est plus possible, ou alors elles deviennent chirurgie mutilante qui enlève à la fois une partie de la vessie du col. L'autre, le plus avancé, c'est celui que j'ai expliqué, qui touche notamment les os ou les viscères comme le poumon. Docteur Louis, pouvons-nous dire que les hommes sont à l'abri de ce cancer du corps de l'utérus, du moins, surtout que vous parlez parallèlement de rapports sexuels entre les deux partenaires? Les hommes ne sont pas épargnés, ils développent le cancer de la verge, du pénis. Donc aussi, ils sont exposés comme les femmes, mais les femmes, vu la surface du col et du vagin, ils seront beaucoup plus exposés. Donc l'homme peut transmettre la maladie à son partenaire. Et c'est ici que je saisis l'occasion de recommander que les jeunes adolescents s'abstiennent de faire des rapports non protégés. À l'instar du VIH, l'utilisation des méthodes contraceptives comme le condom prévient l'infection à ce virus qu'on appelle human papillomavirus ou le virus humain de l'homme. Et également, l'homme aussi sera protégé. Donc il est important que d'abord les gens connaissent le facteur de risque, également le mode de le comportement responsable en s'abstenant de faire des rapports non protégés. Qu'en est-il, docteur, du cas où on a la co-infection de ce virus et la co-infection du virus du VIH-Sida? Merci pour la question. Je voudrais préciser que effectivement la co-infection est connue, c'est-à-dire chez les femmes qui vivent avec le VIH ou qui sont séropositives, vont avoir les défenses immunitaires qui sont diminuées et ainsi favorisant la progression de l'infection à ce virus, human papillomavirus, ce qui donc va créer une lésion à haut risque chez ces personnes déjà avec une défense immunitaire diminuée. Docteur, un message que vous jugez tellement important que les auditeurs doivent écouter pour clôturer. Je voudrais, comme message important, dire que la population jeune doit être informée du risque d'être contaminée en faisant des rapports non protégés. Que les femmes qui ont plusieurs partenaires ou les hommes qui ont plusieurs partenaires doivent avoir un comportement responsable pour éviter donc la transmission de ce virus qui est le virus avec une agressivité créant le cancer. Notre message, c'est qu'une fois que les professionnels de santé sont informés, doivent éduquer les patients ou les patientes pour pouvoir accéder au dépistage précoce qui, comme je l'ai dit, en utilisant la méthode de l'inspection visuelle après application de l'acide acétique, réduit l'évolution. Je voudrais rappeler que ce virus prend au moins 10 ans pour qu'il induise le développement du cancer. Et donc, les femmes jeunes doivent aller consulter pour que ces lésions précoces qui peuvent être traitées par la méthode de cryothérapie, c'est-à-dire l'utilisation de l'azote liquide, réduit donc l'évolution de ces lésions précancéreuses et donc peut éviter le développement du cancer du col. Docteur, comment accompagner les gens qui ont déjà le cancer? En effet, il est important d'envisager cette stratégie car les femmes qui arrivent à un stade très avancé au niveau des structures de santé ont des douleurs parfois atroces et nécessitent d'accéder à des soins palliatifs, notamment l'utilisation, lorsque le cancer est très avancé, pour réduire la douleur, l'utilisation de la morphine. L'expérience des pays voisins, notamment en Ouganda, a permis que la politique du ministère a réduit et donc permet l'utilisation de la morphine en sirop oral et aussi l'accompagnement par la famille et en fait préparer les patients qui sont en phase terminale pour qu'ils ne décèdent pas dans un état d'abandon. Ils ont donc besoin d'un soutien psychosocial. Devenir grand de la santé. Et nous avons aussi un invité qui est avec nous, c'est Dr Irénée. Dr Irénée, pouvez-vous donner de plus amples informations sur votre personnalité et votre rôle dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus? Merci beaucoup de la parole. Je suis Dr Irénée Ndawaguié. Je travaille pour l'ONG internationale Pathfinder International comme responsable de santé de la reproduction. Et je suis en même temps responsable de ce projet de lutte contre le cancer du col au niveau de l'organisation. Et ce projet, il est établi où et quel est le public cible? Ce projet est établi dans deux provinces du pays, la province de Kayanza et la province de Moyenga. Nous appuyons deux hôpitaux, l'hôpital de Kayanza et l'hôpital d'Ogacho. Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé comme activité dans ces deux provinces? Notre programme s'est donné comme mission d'appuyer le gouvernement du Burundi à faire les premiers pas pour le dépistage et le traitement précoce des lésions précancéreuses dans le cadre de la prévention des cancers du col. Et nous avons autour de 1000 cas déjà dépistés, parmi lesquels nous avons déjà trouvé 40 cas de lésions précancéreuses que nous avons traitées immédiatement à la cryothérapie. Et nous avons aussi 5 cas suspects de cancer que nous devons appuyer dans le diagnostic définitif pour arriver au traitement. Avec ces chiffres, quel est votre commentaire? Avec ces chiffres, premièrement, il faut comprendre que le cancer du col est là parmi notre population, d'abord. Deuxième chose, c'est de comprendre aussi que cette pathologie qui expose les vies de nos sœurs est quand même à un taux qui n'est pas négligeable. Surtout maintenant que le défi que le pays a, c'est justement qu'on n'a pas de données actualisées. Et ces informations ne peuvent pas être généralisées. Il faut justement une enquête pour vraiment donner une vraie prévalence nationale. Oui, il se pourrait que vous utilisiez une stratégie de détection précoce des lésions précancéreuses. Est-ce que cette méthode est très coûteuse? Non, alors, c'est ça justement. C'est une information importante qu'on doit donner. C'est vraiment une méthode moins coûteuse et qui sauve beaucoup de vies. Cette technique consiste à faire une inspection visuelle en utilisant l'acide acétique. C'est-à-dire, c'est une application de l'acide acétique sur le col et qui vous donne une image de suspicion ou de normalité du col. C'est vraiment une technique très banale qui coûte moins cher et qui sauve beaucoup de vies. C'est une pratique qui est facilement généralisable même dans les structures périphériques. Un infirmier peut le faire, ça ne demande pas d'électricité, ça ne demande pas d'infrastructure spéciale. Donc, c'est vraiment une approche qui peut être généralisée jusque dans la périphérie, jusque dans les centres de santé du pays. Dans votre intervention au niveau du débat, vous êtes revenu sur l'information et la communication. Quelle valeur donnez-vous à ces éléments? Et est-ce que vous avez un budget aussi pour la communication et l'information dans votre département? Oui, bien sûr. Notre programme justement donne une valeur considérable à la communication et à l'information. Compte tenu d'ailleurs de notre cible qui pratiquement n'a pas une culture de lecture des journaux, ce qui veut dire que la communication orale telle que les médias, c'est vraiment notre stratégie. Et nous avons prévu d'appuyer cette approche, cette communication, parce que nous sommes conscients que c'est par cette approche que nous allons pouvoir acheminer toutes les informations à notre cible. Donc vous comptez financer ou appuyer les médias qui produisent des émissions de santé ou des spots publicitaires à la matière surtout du cancer du col de l'utérus? Exactement. Nous sommes en train d'appuyer des ateliers comme ça pour sensibiliser les journalistes, pour surtout concevoir des messages clairs, dans des mots compréhensibles par tout le monde, pour que chacun comprenne, pour que chacun puisse avoir une information éclairée qui puisse l'aider à se protéger. Nous avons justement collaboré avec tous les médias parce que nous sommes conscients que c'est vraiment les vrais canaux qui sont utilisés par notre population pour justement faire une bonne communication pour informer tout le monde, surtout en matière de santé, où les gens ont besoin d'être informés pour se protéger. C'est sur ce message du Dr Irénée Ndawaguié qu'elle met fin à cette émission. Une émission qui était destinée à sensibiliser nos auditeurs sur le cancer du col de l'utérus. Nous disons merci à tous les intervenants, à savoir Dr Gabriel Nahayo. Il est vice-président de l'Alliance burundaise contre le cancer. Et merci aussi à Dr Innocent Kourouziza, directeur du programme national intégré de lutte contre les maladies chroniques non transmissibles. Nous disons aussi merci à toi, Dr Louis Ngendahayo. Vous êtes spécialiste en anatomie pathologie. Vous êtes professeur à l'Université du Burundi. Nous disons merci aussi à vous, Irénée Ndawaguié. Nous vous disons sincèrement merci. Nous n'en pouvons pas terminer notre émission sans dire merci à vous, chers auditeurs, auditrices de notre émission Parlo Santé. À la présentation de cette émission, vous étiez avec Jude Ndeilagije qui vous souhaite de passer un très bon week-end chez vous avec la radio scolaire de la Gakura. Et c'est tout, chers auditeurs, en super bonne santé. Très bonne semaine avec la radio scolaire de la Gakura. Et prochain rendez-vous, c'est samedi prochain à la même heure. Bye bye.